Fun Radio. On va jouer maintenant avec Raymond qui est là, chauffeur de taxi à Halle. Salut Raymond. Salut Mika, comment tu vas? T'as pas la voix de la, du prénom. Ah non, ça c'est sûr. C'est bon, bonjour, la voix. Ouais, c'est Raymond. Je suis chauffeur. Non, non, en fait, pas du tout, t'as une voix plutôt aiguë, hein, mais bon, bah, sois le bienvenu, ouais, Raymond. Bien. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour Raymond. Bon, Raymond, toi t'as 34 ans, donc t'es chauffeur de taxi, mais genre t'habites à Halle, mais t'es chauffeur de taxi à Bruxelles ou t'es vraiment chauffeur de taxi à Halle? On est chauffeur de taxi à Halle, mais on roule partout en Belgique. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, là, je me trouve à l'aéroport. Ah oui, bah ah, oui, oui, c'est là que ça gagne le plus, normalement. Ah, évidemment, hein. Bah, bien sûr, évidemment. Bah, voilà. Bon, Raymond, on va jouer au serez-vous plus intelligente qu'une mie, c'est ce que tu penses que tu vas l'être? Plus intelligente, j'espère pas, mais plus intelligent, j'espère. Ouais, bah l'un ou l'autre, après on n'est pas dans le détail. Raymond, il fait le malin. Il est bon, lui. Ah oui, il fait le malin. Ah. Attention, attention, attention. Mais en même temps, le nom du jeu, c'est serez-vous plus intelligente qu'une miss? Bon, bah, on n'y peut rien après. Hein. Raymond, voilà. Est-ce que tu vas répondre aux 5 questions? Si tu fais 5 sur 5, c'est gagné l'iPod pour toi. 4 sur 5, des places de ciné. En dessous de ça, tu retournes chez ta mère les mains vides. Raymond, on c'est y parti. Va. Première question. Bonne chance. Combien la Belgique va-t-elle prêter aux banques espagnoles? Oh, parce je l'ai que dit. Oui, on a trop d'argent, il faut le savoir. Oh merde, j'ai pas écouté les infos. Oh non, c'est ah, bah rien que pour toi. Eh bah, tant pis. Voilà, bravo à toi. Voilà. C'est bien, il faut pas écouter les infos du lait, il raconte que des conneries. Bon. 3 milliards. Combien? 3 milliards. Ah non, moins quand même. Attends, ça va, on est à la Belgique, radars, on est blindé, mais il faut pas exagérer. Bah non. 1 milliard seulement. Mais oui. Merde. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est ça, une bagatelle. Bon, qui a remporté le championnat de Belgique de basket? Ostende. Ostende, oui, face à Charleroi d'ailleurs. Qui va payer le voyage du prince Laurent à Rio pour le sommet de l'ONU? On en a parlé aussi. J'ai pas écouté, donc je sais pas, le gouvernement. Non, le prince justement, Laurent. Justement, pas lui-même, du tout. Voilà, c'est lui-même qui va se le payer. Bah, c'est normal, on en parle dans les infos alors qu'au final, le mec il veut partir en vacances. Ouais, il part, quoi. Bon, vrai ou faux, la Belgique est le paradis des cambrioleurs? Je dirais vrai. Vrai, oui, un cambriolage toutes les... 3 secondes. 24... Toutes les 20 secondes. Toutes les 6 minutes, n'abuse pas quand même. Ah, voilà. Voilà. Et enfin, en bruxellois, qu'est-ce qu'un quête? Un quête, c'est un petit garçon, un petit gamin. Oui, un gamin, exactement. Oui, et oui, mais ça ne fait malheureusement que 2, 3 sur 5. Non, 4. Il a fait 4. Ah non, non, non, il a raté deux fois. Laurent, ah ouais, 3 sur 5, malheureusement. Oh. Un échec, Raymond, ça te permet juste de retourner chez ta mère les mains vides et c'est déjà pas mal. Bon, bah désolé. Mais bon, merci, c'est très gentil. Bah Raymond, tu reviens quand tu veux quand même, d'accord? Bon courage dans le... bon courage avec les clients relous ce matin et toute la journée. Ouais, merci les gars, merci. Bonne journée. Salut Raymond, tu reviens, tu reviens sur Fun quand tu veux, il n'y a pas de problème. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins dans Mickaël à la radio, Mickaël. C'est la journée internationale de Pierre. Et la journée internationale aujourd'hui, c'est le stress des examens. Vous avez déjà tous passé des examens, vous avez tous à un moment ou à un autre été un petit peu stressé. Eh bien, je vous propose de trouver la solution maintenant avec notre ami Pierre. C'est parti. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Avec les examens, j'ai beaucoup de stress et j'ai une vilaine peau. Et c'est quoi, trop grasse la peau? Eh ben, c'est, ça me fait des boutons et du coup, ça me déconcentre. Oui, mais bon, c'est un peu normal, hein. Bon, en traitement, il faut un savon, vraiment pour enlever l'excès de sébum. Et il faut quand même essayer de manger sain, parce que quand on mange pas trop sain, ça empire en plus. Je mange que des pizzas. Et c'est pas très sain, ça, non. Et si j'arrête la pizza et je mange du savon? Non, ça n'irait pas mieux. Parce que peut-être que c'est la pizza qui va pas. Non, c'est de toute façon, c'est votre stress qui va pas, hein. Je sais pas, mais je suis perdue, là. Il faut pas stresser. Ah ben, je stresse, vous me sentez là, ma voix, comme elle est stressée? Oui, ça je le vois, oui. Si je loupe mes examens, j'ai fini ma vie. Mais faut pas les louper, faut étudier. Bah c'est ce que je fais, mais avec mes boutons, je peux pas me concentrer. Faut prendre quelque chose pour éviter de stresser alors. Bah je sais pas, mais moi je veux juste avoir une police. Comme ça, mes examens, ils seront aussi tout lisses. Oui, ça va pas de faire, mais bon. Je veux trop qu'on m'aide, madame. Oui, mais c'est un processus. Si vous allez continuer à stresser, c'est normal que vous allez avoir des boutons. C'est lié. J'ai une boule au ventre, c'est normal? Alors, il faut pas stresser. Restez zen. Mais oui, mais c'est un cycle infernal. Je passe les examens, je stresse, j'ai des boutons. Oui, je sais, je comprends. J'ai des boutons, je restresse. Après, c'est re les examens. C'est trop dur, la vie d'un jeune. Tout le monde est passé par là, hein. Faut passer par là, non? Je veux plus avoir de boutons. Mais vous savez, la moitié des étudiants, ils ont tous des boutons, donc personne ne va vous regarder. Maintenant, ils sont tous en train de penser à leurs examens. Et vous voulez pas les passer à ma place? Passez vos examens à votre place. Bah oui, vous avez pas de boutons, vous. C'est pas dit que je vais les réussir, hein. Passez-les à ma place, s'il vous plaît. Allez, je vais raccrocher. Non, raccrochez pas, non. Travail, ah, ça y est, je suis stressé, j'ai plein de boutons qui repoussent partout. Oh. Eh oui, donc il faut aller trouver quelqu'un pour passer l'examen à votre place. Voilà la solution, là. Mais... on la cherche depuis des semaines et des mois, des années même. Trouver quelqu'un pour passer l'examen à votre place. C'est tellement simple. Mais exactement. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Nous allons faire le petit sondage Facebook. Le petit sondage Facebook, n'importe quoi. J'allais mettre le sondage sur le Facebook, mais nous allons surtout faire la vérification de sondage maintenant. Et donc, quel est le thème du coup de ce matin, Tof? Eh bien, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. À vous annoncer. À vous annoncer, oui. C'est d'accord. Oui, c'est vous annoncer. voilà, Julie, toi qui es pour l'amour, qui es pour le mariage. Ah bah oui, oui. Eh bien, est-ce que tu penses que le mariage est toujours un gage de fidélité? Ah bah c'est un peu le but, non? Eh bien, pas du tout. Comment ça, non? Eh bien, non, seulement 53% des femmes, et alors les hommes, n'en parlons pas, 36% estiment que l'alliance représente toujours un symbole de fidélité. Ah, une femme sur deux seulement. Eh oui, ah, et un homme sur trois. Oh bah ça, les hommes, ça m'étonne pas, toujours. Eh oui, même. En fait, la fidélité dans le mariage, ce n'est qu'une tradition, mais en fait, tout le monde s'en fout. Oh non! Eh oui. C'est faux! Écoute, malheureusement, c'est le résultat du sondage. Oh là là. Pour la majorité des hommes, c'est un engagement dépassé. Mmh. D'accord. Voilà. Ah ouais. D'accord. Donc je vais toi aussi, évidemment. Moi, si ça vous dérange pas. Bah, du coup, je vais peut-être réviser ma position sur le mariage. Ah, oui, ah, évidemment. Bah, alors, pour le coup, ça l'intéresse. Ça. Bon, pensez-vous que le mariage est toujours un gage de fidélité? Oui, non? Vous répondez sur le groupe Facebook. Je viens de mettre le post là, facebook.com/funradio. Ce sera en ligne d'ici peut-être quelques secondes, tout simplement. Donc, patience, ça arrive dans un instant. Et puis, on va aller appeler à Verviers pour vérifier le sondage. Bah, oui, allons-y. Bah, c'est parti. Direction Verviers maintenant. Allez, hop là, c'est parti. 6h53. Alors. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que selon une récente étude, 53% des femmes et 36% des hommes estiment que l'alliance représente encore un signe de fidélité. Pourquoi téléphonez-vous si tôt? Je dors toujours. Eh bien, en fait, je voulais savoir si vous pensiez qu'un homme avec une alliance ou une femme avec une alliance était quelqu'un de fidèle. Je m'en fous, hein, vous m'éveillez. Oui, mais ça... Vous êtes malade, vous? Non, pas du tout. Quel heure est-il, par là, 7h-10 à peu près. Qu'est-ce qui vous prend, donc? Ben, en fait, moi, je voudrais savoir si vous pensez vous que... Je m'en fous, hein, moi, vous m'avez éveillé. Oui, bah maintenant que vous êtes réveillé... Allez, au revoir. Bah non. Oh, mais enfin alors. Oui, mais enfin les réveiller autant qu'elle répondent à la question. Bah, c'est ça. Bon, on rappelle. Bah, allez, oui. C'est parti. Retour à Verviers. Oui. Oui, vous avez coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Je m'en fous que je vous dise. Vous n'avez pas à réveiller les gens à 6h du matin. Vous êtes malade ou quoi? Mais non, moi je veux juste savoir si vous pensez que l'alliance est toujours un symbole de... Allez vous faire foutre, je m'en fous. Aïe, aïe, aïe, aïe. Elle a l'air plutôt énervée là. On ne voit pas pourquoi. Je crois qu'on remue quelque chose de, tu vois, qui lui fait mal en fait. Peut-être qu'effectivement elle a eu un problème dans son mariage. Je pense. Bon, enfin, on va arrêter là, hein, parce qu'elle m'a fait peur, moi. Ah, bah oui, t'as à dire qu'elle va nous taper à un moment ou à l'autre. T'as peur maintenant, toi, c'est nouveau. Bah oui, non, bah attends. Ah, elle a peur. Bah bien sûr, évidemment. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.